travailleur se transforme en robot géant, au Bioman. Bioman, te voilà. Et grâce à toi, force rouge, force bleue, les cinq amis se défendront mieux. Et avec toi contre le Docteur Mann.